Alors, comme vous avez vu, donc je ne vais pas parler cette année de science et de psychanalyse. La raison que je l'ai trouvée, c'est que c'était de la façon dont ça se construisait dans ma tête, c'était tellement aride, que tellement en quelque sorte éloigné d'intérêts cliniques facilement articulables, etc., que ça faisait un peu métadiscours sur la psychanalyse, etc., ce que j'ai fait l'an dernier. Et donc, j'ai pensé que je pouvais saisir l'occasion de la traduction nouvelle que vient de faire Jean-Pierre Lefebvre de la trame d'Oitoum, donc qui s'ajoute à celles qui sont déjà disponibles, pour travailler sur le rêve. Et puis, comme il y a tout un travail qu'on fait depuis quelques années d'approche de Bion, pour faire ce travail sur le rêve entre Freud et Bion. Ce sera quand même question de science. Dans le mail que je vous ai envoyé, il y avait un lien avec un papier qui m'a été demandé pour critique, qui va publier un numéro sur la psychanalyse. Je crois que c'est Sophie Mendelssohn qui coordonne ce numéro. Il y aura différents papiers, dont celui-là, qui devait au départ être un papier qui devait porter comme suscription à Jean Alouche. C'est pour Jean Alouche que j'ai écrit ce texte. Et puis bon, finalement, on m'a expliqué que dans Critique, ils mettent pas ce genre de choses. Bon, alors, je l'ai mis en ligne avec la dédicace explicite. Et ce qui m'a valu d'ailleurs un courrier intéressant, enfin, une chose dont je parlerai sur l'intuitionnisme mathématique chez Lacan. Mais je vais revenir, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, parce qu'apparemment, ça a l'air extrêmement éloigné, la question du rêve, de l'interprétation du rêve, de ce que c'est que rêver, et puis la question de l'intuitionnisme mathématique. Mais je vais revenir sur la raison pour laquelle je vais m'y intéresser. Alors pourquoi entre Freud et Bion ? Alors pour une raison, bien sûr, il va être énormément en question de Lacan, hein, et notamment de ce qu'on appelle la lecture lacanienne de la trame d'Oitoum, parce que c'est quand même pour des raisons qu'on va soulever une chose beaucoup plus rare, de voir dans, disons, les séances très courtes, etc., dans un certain format particulier, en tout cas, de diffusion du lacanisme, qui est très particulièrement orthodoxe, de voir des analyses de rêves comme celles qui sont pratiquées là, qui nécessitent évidemment des séances beaucoup plus longues ou des tout autres situations. Et donc, voilà, une des premières raisons, mais c'est aussi parce que la fameuse formule de Freud, comme quoi le rêve est la voie royale vers la connaissance de l'inconscient, est souvent écrasée sous la forme « le rêve est la voie royale vers l'inconscient ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, plein de gens comme ça confondent les deux, alors que justement, il me semble que la différence majeure entre Freud et Bion à cet égard, c'est que si Freud, c'était la voie royale vers la connaissance de l'inconscient, chez Bion, c'est la voie royale vers l'inconscient. Il y a là pas du tout, c'est absolument pas du même registre. Et je voulais poser ça en exergue, parce que justement, c'est une voie qui est royale, mais qui du coup fonctionne de manière très particulière, puisqu'elle produit une asymétrie du coup entre ce qui est de l'ordre de la connaissance qui est évidée ici et ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Alors ça c'est ce sera un peu la question que je vais me poser d'ailleurs en prenant position par rapport à des travaux que j'ai fait moi-même il y a une quinzaine d'années là-dessus de ça sur l'interprétation du rêve, sur la trame d'Oitoum, sur laquelle je reviendrai à la fin de notre première séance. Mais je vais essayer de donner un contexte un peu plus précis de ce choix de la question du rêve. C'est que dans l'article dans Critique, en dehors de ce que je raconte de l'intuitionnisme et sur lequel je reviendrai, j'essaie de souligner qu'il me semble que la psychanalyse, la façon dont on pratique les séances, dont on conduit les séances, est pris en quelque sorte entre le marteau et l'enclume. C'est que d'un côté, vous avez une conception du psychisme, de la réalité psychique, de ce qui serait l'objet comme ça de la psychanalyse, qui est expressément psychologique. C'est l'idée que le psychisme serait une sorte de substance particulière, alors évidemment pas matérielle, mentale, dotée d'un certain nombre de propriétés, éventuellement paradoxales, notamment celle d'être subjectif, d'être éprouvé subjectivement, auquel on aurait donc accès par des sortes de mécanismes ou de tout à fait singuliers, et notamment j'insisterai sur la dimension d'empathie, puisque le mot d'empathie est redevenu à la mode, dans la mesure où il semble soutenu par des interprétations tout à fait superficielles de ce qu'on appelle la théorie de l'empathie dans les neurosciences contemporaines, c'est-à-dire de ces espèces de résonances intersubjectives ou interpsychiques comme ça, qui permettraient de donner une sorte de qualité psychologique empiriquement non pas fondée mais possible à des effets de résonance psychologique qui auraient dans l'espace commun. Alors évidemment, ça fait référence, je parle de l'espace commun comme du temps commun, si on parle du psychisme de cette façon-là, le psychisme, c'est au fond ce que les gens ont dans la tête, quelque chose où ils sentent des choses, où ils ont des pensées, qu'ils expriment, etc. Ça va avec, bien sûr, l'idée de psychothérapie, puisque cette chose-là peut se soigner, elle peut être malade, cette chose, elle peut se soigner. Il y a un sens à parler de psychothérapie, comme d'hormonothérapie, etc. Hein, alors c'est toujours un peu bizarre, hein, parce qu'on parle de psychothérapie par opposition à physiothérapie, qui n'est quand même pas extrêmement utilisée. Et donc on se trouve avec des gens, des individus, des personnes, comme ça, dans un espace, un lieu. On peut raisonnablement dire qu'une séance, ben, ça doit prendre un certain temps dans le temps commun, dans le temps ordinaire, pour que le psychisme, cette chose qui est dans l'espace de la réalité, hein, où la réalité psychique est une réalité parmi les autres réalités, puisse se déployer. Comme les coordonnées de la réalité sont spatio-temporelles, ben, voilà, y a des lieux de rendez-vous, ça dure un certain temps, etc. Bon. Et évidemment, ça a pour soi une certaine forme de jeu trouble entre le bon sens, hein, c'est-à-dire l'usage ordinaire des mots, le psychisme, enfin, c'est pas un mot ordinaire, c'est un mot qui est passé dans le langage ordinaire, et puis l'idée de psychothérapie, l'idée de souffrir, de traumatisme psychique, etc., enfin, de choses de ce genre. Et puis alors, à l'autre bout du spectre, vous avez une position qui se revendique évidemment d'un tranchant tout à fait inverse, qui est une position fortement intellectuelle, qui est une position anti-psychologique. Alors l'anti-psychologisme, il ne faut pas s'imaginer, c'est pas une position comme ça, hein, qui sort de la simple contestation de l'autorité de la psychologie en général. C'est une position qui a deux appuis qui sont extrêmement sensibles, notamment chez Jean Alouche et chez un certain nombre de lacaniens. La première, c'est que l'antipsychologisme, c'est une position philosophique extrêmement forte qui s'est formée en Allemagne au début du XXe siècle par contestation et par refus de la réduction de la philosophie et de la psychologie. Et en particulier chez les logiciens et chez le premier logicien au sens de la logique contemporaine, Frege. Frege est explicitement quelqu'un qui est anti-psychologiste en ce sens et qui ne pense absolument pas que ce qui fait l'objectivité des relations logiques, notamment dans les mathématiques mais aussi bien en logique pure, il pense que cette objectivité n'a strictement rien à voir avec la façon dont un sujet, un psychisme, n'importe quoi, se le représente, se le figure, etc. L'objectivité des relations logiques est totalement indépendante de cette donnée-là, ce qui confine, on l'a souvent observé, à ce qu'on appelle un platonisme, c'est-à-dire de considérer que ce sont des relations qui existent en soi, les relations logiques, le fait qu'il y ait des relations particulières entre les nombres, par exemple, c'est quelque chose qui existerait en soi, comme dans un ciel des nombres ou un ciel des idées. Et le logicisme frégéen est une tentative extrêmement puissante et fondatrice de se débarrasser de l'héritage de l'idéalisme allemand, dont venait lui-même Frege. Hein. Frege était quelqu'un qui connaissait extrêmement bien ces questions-là, c'est-à-dire de l'idée qu'au fond, il faut un sujet pour penser les pensées, et que les liens objectifs qui existent existe entre les pensées sont en fin de compte l'expression de leur fait qu'ils sont portés par un sujet qui les pense. Ça, c'est un des premiers appuis. Il y a un antipsychologisme. Alors, cet antipsychologisme est extrêmement vigoureux, je suis d'accord, comme vous connaissez. Et puis, il y a un deuxième appui qui est, je dirais, d'ordre plus politique et anthropologique, qui est la position de refus très fortement marquée, par exemple, par Jean Alouche dans son petit opuscule là, sur Foucault, là, sur la question de savoir si... La psychanalyse a trait à la spiritualité, j'ai oublié le titre exact, qui est une contestation de ce que Foucault a appelé à un moment la fonction psy, c'est-à-dire la fabrication de cette espèce de doublure du sujet de l'homme concret, doublure imaginaire, qui est faite de certaines, qui est en fait du corps imaginaire, et qui permet d'instaurer autour de cette doublure tout un dispositif de contrôle dont la psychiatrie, la psychologie, les sciences ou les techniques dites psychosociales sont directement l'expression et qui sédimentent autour de ça, autour de la psychothérapie, etc. Donc vous avez un appui qui est une contestation anti de nature philosophique et conceptuelle sur l'objectivité des relations logiques, puis l'autre, cette contestation de la fonction psy. Alors, dans ce cas-là, évidemment, le rapport au temps comme à l'espace est un rapport entièrement distinct, puisque le sujet, et non pas le psychisme, ou la réalité psychique, puisqu'on n'utilise même pas le mot psy, hein, comme je fais remarquer, on ne parle pas des psychanalysants, mais des analysants. On ne parle même pas plus de la psychanalyse, mais assez souvent de l'analyse, plutôt, dans ce sens-là. On enlève, on désuffixe le psy, en quelque sorte. Le temps en question, c'est un temps logique. Le cadre est beaucoup plus fixé par la topologie de la relation du sujet à l'autre que par autre chose, par notamment... Et les deux convergent, cet espace-temps, dans ce qui est finalement la découpe d'une séance, marquée par une scansion dont l'irruption est beaucoup plus commandée par des impératifs de déploiement logique et par une topologie particulière que par l'attente qui aurait que le sujet se soit mis dans un certain état psychologique propice à la manifestation d'états qui, comme des vapeurs, un peu comme ça, des fumées viendraient monter de son fond biologique pulsant, n'est-ce pas, où il y aurait des expressions de ce genre. Et alors la figure, je dirais paradigmatique, c'est de couper la séance, de scander la séance au moment où le sujet entend d'où il a prononcé, d'où il a énoncé ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que cette réversion dans laquelle finalement, comme sur une bande de Möbius, le sujet passe de l'autre côté et entend s'entend dans la position où il aurait énoncé, c'est cette espèce de découpe-là en forme de bande de Möbius qui sert de paradigme. Mais alors évidemment, elle s'étale sur un tore et un certain nombre de tours sur ce tore qui découpe une bande de Möbius et dont la temporalité et l'espace sont commandés par cette articulation particulière. Voilà, on arrête la séance quand quelqu'un entend le point d'où il a énoncé ce qu'il venait de dire, cette réversion énonciation, et donc il a complété un tour complet sur une bande de Möbius. Comme vous savez, ces choses-là existent tout à fait. Il y a des séances qui peuvent tout à fait fonctionner sur ce mode-là, où on s'arrête. Alors on s'arrête, fait observer Lacan, et c'est une réalité. Alors, l'analyste et le patient s'arrêtent au même moment, parce qu'effectivement, il y a un moment, on entend quoi, voilà, l'envers énonciatif est présent. Alors, le problème que je voudrais soulever, c'est des problèmes fondamentaux hein, de la pratique de la psychanalyse, c'est que ces deux positions sont, pour plein de raisons, chacune poussées à l'extrême insatisfaisantes. D'ailleurs, à ma connaissance, personne ne les adopte systématiquement. Alors vraiment, c'est devenu fondamentalement marginal et ridicule. Et chacun se balade plus ou moins dans un espace intermédiaire sans pouvoir franchement arriver à clairement distinguer les différents enjeux de la chose, et notamment pourquoi les deux positions peuvent se revendiquer effectivement d'une filiation freudienne authentique, d'une histoire de la psychanalyse, d'une analyse successive des concepts, d'un affinement de la clinique, etc., et ne tombe pas comme ça du ciel. Et donc la question que je vais soulever cette année, c'est celle, à travers le problème du rêve, de la réalité psychique dans la conduite de la séance et ultimement de la conduite de la cure. En soulevant des questions qui sont toutes bêtes. Hein. C'est par exemple la question de savoir s'il faut être dans un état mental particulier pour faire une séance d'analyse. La réponse de Freud est très claire. Freud compare l'état souhaitable à celui de l'hypnose, hein, par exemple. Donc il avait une idée. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas trop exactement ce qu'ils appelaient l'hypnose. Hein. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'à l'époque, les gens pensaient la même chose de ce que c'était à Vienne, à Paris, à Londres. Il y a une deuxième question qui se pose et qui, comme vous savez, est une question épineuse parce que les gens peuvent s'étriper là-dessus, c'est la question de la durée d'une séance, le temps que ça devrait durer. Parce que si vous considérez que il y a quelque chose de l'ordre de faut se mettre dans un certain état, par exemple, on va dire au hasard de rêverie, puisqu'on va parler de bio, est-ce que se mettre dans un état comme ça de détente, c'est quelque chose qui peut se faire comme ça en 5 minutes ou pas? Est-ce que le temps logique, est-ce qu'il retrouve cette temporalité-là psychologique ou bien pas du tout? Bon. Et au lieu de répondre, n'est-ce pas, que c'est arbitraire, etc., il ne faut pas répondre que c'est arbitraire, que ça dure 45 minutes, 1 heure ou 5 minutes, ou que ce soit à durée variable, il faut pouvoir justifier, par exemple, de la variabilité. Il faut pouvoir dire qu'il y faut un certain temps, ou qu'il n'y faut pas un certain temps. Ce qui est engagé là-dedans, également, implicitement, cette question de la réalité psychique dans la conduite de la cure, c'est du genre de transformation qu'on peut y viser. Parce que qui parle de transformation parle de la transformation de quelque chose. Alors, je sais bien que le mot de réalité, la réalité, on ne peut pas la définir, à mon avis, on ne peut pas dire la réalité conceptuellement ce que c'est. On peut juste observer les occasions où on emploie le mot réel, comme dit Austin. Quand est-ce qu'on dit à quelqu'un que ça c'est réel et ça c'est pas réel? C'est en faisant une espèce de tour. C'est en général pour, dans un dialogue, hein, pour marquer des points d'appui, des arrêts, des limites auxquelles il n'y a pas de réalité en soi. On ne peut pas faire une théorie de la réalité en général en la dégageant comme ça, me semble-t-il, de la façon dont on parle, dont on a recours au mot réel. Mais justement, la transformation, c'est bien la transformation de quelque chose. Alors, évidemment, l'idée de psychothérapie, elle repose sur l'idée que la transformation, c'est la transformation d'un psychisme, hein, de quelque chose qui va irrésistiblement ressembler à une forme d'âme pour laïc, hein, un truc qu'on a dans la tête qui se... voilà, qu'on ne sait pas trop bien décrire, qui allait mal et qui va mieux. Bon. Mais si, par exemple, vous vous placez à l'autre bout du spectre dans une pratique vraiment antipsychologique au possible, comme celle dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même un sujet incarné, un sujet en acte qui change, bon, qui change d'état. Bon. Et c'est tout à fait, par exemple, distinct, et c'est une nuance très fine, mais je pense que vous y serez facilement sensible, qu'un sujet incarné change en acte, ça ne veut pas dire, par exemple, nécessairement qu'il change en pratique. C'est pas nécessairement que les pratiques de la personne qui change vont changer si, par exemple, cette personne devient capable d'une chose qu'elle n'était pas capable de faire, qui est de poser un acte. Parce qu'au fond, elle fait quelque chose du dehors. Il n'y a pas de critère comme ça, objectif ou psychologique, pour s'assurer que quelqu'un qui fait quelque chose pose un acte en faisant quelque chose. Bon. Devenir capable de poser un acte, alors soit on dit oui, bon, c'est une description purement métaphysique, soit au contraire on dit c'est la définition qui engage précisément le sujet dans ce qui est totalement non psychologique. On ne peut pas manipuler psychologiquement quelqu'un pour le rendre capable de poser un acte, parce que la grammaire de l'acte, elle implique quelque chose qui n'a rien à voir avec un psychisme, mais qui est un sujet de l'action, qui est un agent de l'action, par exemple. Et la différence que ça fait de pouvoir poser un acte, ou même de considérer rétroactivement qu'en faisant telle et telle chose, dans telle et telle action, c'est un acte qu'on a fait, et non pas simplement une action ou un acte qu'on a subi, c'est un changement d'éclairage et de repérage qui ne se marque pas en termes psychologiques. Pas depuis de, on ne peut pas le définir autrement. Et alors, une des questions qui d'ailleurs se pose, c'est que le changement en psychanalyse, est-ce que c'est un changement qu'il faut penser en termes de processus et de devenir ? Est-ce qu'on doit continuer à le penser comme ça ? Ou bien est-ce que, par exemple, c'est les changements comme, pour donner une image bien connue, comme le saut quantique, n'est-ce pas ? Quand les électrons changent de trajectoire autour de l'atome, ils changent le saut, ce qui caractérise justement l'idée de mécanique quantique, c'est que ce sont des états discrets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, vous voyez, où comme une planète qui changerait de trajectoire autour de son soleil, le truc se déplace. C'est un saut quantique, c'est quelque chose qui est essentiellement discret. Donc il y a essentiellement une rupture, il n'y a pas une transformation. Mais s'il n'y a pas cette transformation-là, si un sujet reçoit une transformation psychanalytique comme un changement de ce type-là, alors, il va être très difficile d'employer le vocabulaire du devenir, même le vocabulaire, par exemple, bionien, de la croissance, de growth, ou de quelque chose comme ça, même débarrasser de toutes ces attendues téléologiques. Vous avez juste comme ça des espèces de changements de quantiques, hein, comme un saut d'une trajectoire à une autre. Bon, ce qui est une question, je crois, assez importante. En tout cas, même chez Lacan, même en ayant une lecture profondément antipsychologiste et même logiciste de la psychanalyse, jusqu'au bout chez Lacan, la question de la présence vivante du sujet subsiste. J'y reviendrai en discutant la façon justement dont Lacan parle de la logique intuitionniste. Moi, c'est pas la logique intuitionniste que je partage cette année, c'est des mathématiques intuitionnistes. Mais j'expliquerai pourquoi c'est très important et ça fait une différence majeure, à mon avis, entre Lacan et Bion, ce rapport à l'intuitionnisme. Mais cette idée de présence vivante, c'est que, au fond, ce n'est jamais ce qui est dit dans une séance qui décide. Parce que si ce dit n'est pas soutenu par un dire, et par un bien dire, même si c'est bien dit, hein, même si quelqu'un a mis le doigt sur quelque chose qui effectivement, je sais pas moi, de sa constellation oedipienne ou de tel déterminisme de ses symptômes sexuels ou Dieu sait quoi, le fait de l'avoir bien dit, ça lui fait une belle jambe. C'est vraiment la question de le dire et de pouvoir le porter dans un dire qui est engagé dans une cure. Or, c'est justement ça qui fait la difficulté, c'est que toutes les traces qu'on peut recueillir comme quoi le sujet a bien dit telle et telle chose ne nous montrent jamais le sujet, ce qui, comme dit très fortement Lacan, est fort clos de la chaîne signifiante, le sujet bien vivant qui fait que ce qui a été dit a bien été dit. Et que on ne peut absolument jamais, vous voyez, s'appuyer sur ce qui a été dit pour dire qu'une analyse, par exemple, a été menée à son terme. La seule chose sur quoi on peut éventuellement faire foi, c'est le changement de régime du dire de la personne. Mais rien de ce qu'il a dit, même si ça confirme dans les moindres détails ce qu'il y a dans le manuel, ne fait foi. Et Lacan a toujours bien insisté là-dessus. C'est ça qui est tout à fait paradoxal. C'est que il y a une surdétermination par le signifiant, hein, et même par la littéralité du signifiant à tel ou tel point particulier d'une cure, mais jamais l'exhibition de cette littéralité ne peut valoir, qui surdétermine, qui contraint à sa façon le sujet, ne peut valoir comme le dire de ce dit-là. Et donc il y a jusqu'au bout hein, cette insistance sur le fait que, contrairement à des interprétations, je dirais, surdéterminantes, où les gens sont simplement des pantins entre les mains des marionnettes entre les mains du signifiant, le fait qu'il y a quelqu'un qui parle, hein, c'est que la parole, c'est du réel, hein, et pas simplement du symbolique, et que ce réel-là engage la présence vivante de quelqu'un dans son dire, reste le point essentiel. Pas essentiel, mais le point sans lequel on ne peut pas comprendre au juste ce que veut dire la question du signifiant. Or, Lacan se trouve souvent, me semble-t-il, très embarrassé pour déterminer très positivement ce que c'est que cette présence vivante du sujet et ce qu'il dit. Parce que si on y allait un petit peu trop, on finirait au fond par retrouver quelque chose qui est de l'ordre du psychisme. C'est-à-dire de quelque chose qui est là, en train de, qui a comme une sorte de substantialité, qui s'exprime, alors que tout est construit pour empêcher l'émergence de cette notion de psychisme. Le simple fait de dire, de ne jamais oublier que la parole, c'est aussi du réel, quoi, nous y reconduit d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans l'article de critique là, dont je vous ai donné le lien, j'essaie de recourir discrètement à ce que Bion fait de l'intuitionnisme, et je le développerai cette année largement en développant la façon dont Bion utilise le verbe to intuit, qui est un verbe qui existe en anglais, il n'y a pas que Bion qui s'en sert, enfin qui a quand même un usage très particulier chez Bion, pour vous montrer comment il y a chez Bion une chose assez étrange, qui est une conception du psychisme qui est non psychologisante, absolument pas psychologisante. C'est pas un psychisme de psychologue, le psychisme bionien. Et qui débouche précisément sur en se servant de certains éléments de la créativité intuitionniste en mathématiques, dont j'expliquerai certaines choses à ce sujet, sur une créativité qui est toujours plus que ce qui peut s'en écrire. C'est ça, je crois, le fond de l'idée intuitionniste développée par Brouwer. Ça s'écrit Brouwer, hein, c'est qu'il y a une créativité de l'esprit mathématique qui transcende toujours tout codage en termes de symboles que vous pouvez en donner. L'absolue récusation du formalisme mathématique, et l'idée justement qui n'est pas brouwerienne, et qui est une idée dérivée des élèves de Brouwer, notamment Haitink, de logique intuitionniste, hein, est une idée qui n'a aucun sens pour Brouwer, puisque justement, l'intuitionnisme, c'est éliminer la logique. C'est de restituer le pouvoir créateur de l'esprit en ce que, justement, il précède le chiffrage en symbole. Et d'ailleurs, je vous rappelle, enfin, à moins que vous ne le sachiez pas, que la logique intuitionniste ne peut rien prouver qui ne se prouve aussi en logique classique. En revanche, et c'est ce sur quoi j'insiste en essayant de le faire valoir comme je peux, en peu de signes pourtant critiques, ce qui est extrêmement impressionnant avec les mathématiques intuitionnistes, c'est que les mathématiques intuitionnistes donnent de l'infini, du continu, une définition, et lui donnent une objectivité mathématique qui est absolument impossible et qui est plus puissante que celle qu'on obtient par les techniques habituelles de la couplure de Dedekind ou des séries de Cauchy, c'est-à-dire les méthodes qui utilisent des formalismes logiques. Des formalismes qu'on peut ramener à la logique en classique, en général. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait singulier. Hein. C'est qu'il y a un mode de production d'objectivité particulière dans l'intuitionnisme mathématique qui excède ce qui peut s'en écrire. Ça, c'est, je crois, un des points les plus frappants où vous reconnaissez, ne serait-ce que lointainement et par analogie, cette antécédence du dire sur le dit que Lacan aussi a maintenu jusqu'au bout, et qui fait ce que Jean Louche me disait en répondant à mon mot, qui fait que ce serait intéressant effectivement de confronter leurs deux rapports à l'intuitionnisme. Mais alors, cet esprit-là, hein, qui crée des choses, cet esprit qui est capable de penser le continu d'une manière beaucoup plus puissante que le continu qu'on dérive de manipulation sur des symboles et des axiomatiques, dans les mathématiques classiques, cet esprit-là, si c'est pas du psychisme, alors c'est parce qu'on change le mot, mais en réalité on est en train de parler de quelque chose de l'ordre du psychisme. Voilà le point sur lequel je voulais revenir. Et je termine en disant ceci, c'est qu'il y a un certain nombre de gens ici qui ont participé à la traduction donc du livre de Goldstein qu'on va publier aux éditions d'Itac, là, A Beam of Intense Darkness. Et ce que je voudrais faire, c'est vous offrir une la raison pour laquelle je trouve ce livre vraiment très frappant, très instructif. Mais pourquoi, à mon avis, ce livre est radicalement faux. Le contenu de ce livre est radicalement faux. En vous présentant une interprétation totalement différente de celle que Grotstein donne de Bion, qui est une interprétation profondément rationaliste. C'est-à-dire que c'est une paradoxologie rationaliste qui anime Bion, qui sont les paradoxes de l'intuition, qui sont des paradoxes qui sont mal pensé dans l'histoire de la philosophie. Les courants intuitionnistes, l'idée d'intuition est toujours une idée extrêmement, extrêmement difficile, d'ailleurs. Et pourquoi, justement, le Grotstein, le Bion de Grotstein, qui est un Bion mystique, dans lequel il est très fasciné par cette espèce d'ambiance californienne New Age, qui a donné lieu, très concrètement, à des pratiques psychothérapeutiques d'intersubjectivité, d'échange, de substitution, de contagion imaginaire, etc., procède d'un contresens sur l'appui extrêmement fin et subtil que Bion prend sur l'intuitionnisme, sur l'analyse de l'intuition. Que beaucoup de choses conversent du côté du mystique, chez Bion, en s'étonnant qu'il ne soit pas religieux, parce que c'est quand même assez curieux, toutes ces considérations sur Maître Eckhart, ou sur le recours avec des concepts extrêmement bizarres, détournés de Kant, ou des choses de ce genre, sont des choses qui ne se comprennent qu'à partir d'une analyse de ce que c'est que l'intuit, le fait de tout intuit en psychanalyse. Voilà. Et je pense que le côté terriblement psychologisant dans lequel on finit par retomber dans cette interprétation de Bion, qu'on prétend guérir en ayant recours à Maître Eckhart et à la mystique d'un côté, tandis que de l'autre, en fait, là où il va s'agir de penser les concepts clés, on a bassement recours à l'empathie et aux neurosciences, en fait, à des phénomènes de résonance intersubjective, à des choses hyper psychologisantes, mais décorées de références mystiques. Cette espèce d'incohérence interne est liée à un défaut d'analyse et de position de ce que c'est qu'en réalité ce que Bion apporte, qui est cette notion d'intuition. Voilà. Alors, ça paraît encore très loin du rêve, mais vous allez voir, ça n'en est pas loin. Alors, pourquoi le rêve? Pourquoi le rêve pour aborder cette problématique? Alors, tout simplement parce que le rêve est un... Autant chez Freud, c'est clair comme le jour, il le dit, c'est la voie royale vers la connaissance de l'inconscient, etc. Autant chez Lacan, pour ce qu'il en a dit, et puis pour ce qu'il a permis de nourrir comme élaboration théorique, où les gens développent simplement avec beaucoup de rigueur, comme Mustapha Safouan dans L'inconscient et son scribe, que je vais vous passer... Safouan l'a fait très bien. Qu'est-ce que fait Lacan? Il traite, au fond, le rêve comme une écriture. Un rêve, c'est une écriture. Le point fondamental, c'est le déchiffrage du rébus. Traiter le rêve comme une écriture, c'est fondamentalement parler de tout sauf du rêve comme processus psychique. C'est partir du rêve tel qu'il est... raconté, alors on tient bien évidemment compte des effets transférentiels du récit du rêve, mais du rêve on ne note que ce qui va se prêter à un déchiffrage. Le rêver comme processus, ce serait le dreaming, comme dit Bion très fortement, c'est pas dream, c'est dreaming, le processus du rêve est jugé psychologique, et si on allait dans cette direction-là, on retomberait dans l'ornière psychologisante. Il faut traiter le rêve comme un nom d'écriture, ce qui fait que automatiquement, on va privilégier dans le travail du rêve tout ce qui peut se récupérer du travail tel qu'il est décrit par Freud du côté de la manipulation d'un code. Et donc on va évidemment s'intéresser aux nombreux rapports qu'il y a entre la condensation la métaphore, entre le déplacement et la métonymie, en laissant par exemple totalement de côté la Darstellbarkeit, la figurabilité, comme traduit une fois Lacan de manière extrêmement ingénieuse, les égards dus à la mise en scène, les égards dus aux contraintes de la mise en scène. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de ça, dans la façon dont Freud en parle dans la Traumdeutung. Tout ce qui va être plutôt du côté du pictorial, de la production de l'image, de la fabrication non strictement linguistique, mais vous voyez, plutôt linéaire et non discrète, etc., va être en quelque sorte poussé de côté comme des éléments dont d'ailleurs Lacan, avec beaucoup de conscience de ce qu'il fait, dit « ben ça, j'ai rien à dire dessus ». Mais ce que je peux vous assurer, c'est que l'équivalence entre condensation et métaphore et déplacement et métonymie, elle est opératoire sur tel et tel point, de telle et telle manière, sur tel et tel rêve, voilà. Et donc, le rêve devient beaucoup plus un lieu de révélation des effets de la parole et du langage sur l'imaginaire, sur le corps endormi, sur le narcissisme du corps endormi, etc., sur le symptôme. Ça devient même, je dirais, une chambre d'écho, une chambre d'enregistrement des effets de l'interprétation signifiante. Mais à proprement parler, ça n'est pas le lieu, c'est une des modalités pour avoir accès à ce qui se passe dans l'inconscient. Ça n'est pas la voie royale. Et donc, la lecture que Freud fait subit de la part de Lacan, et alors de manière absolument exemplaire dans le texte « L'inconscient et son scribe », qui est une sorte, si vous voulez, de tentative d'être très cohérent avec les indications de Lacan dans la lecture de la Traumdeutung, c'est le récit du rêve qui intéresse essentiellement l'analyste. Et au fond, le rêver est pris constamment de manière transitive. C'est rêver que. On rêve qu'on a fait ceci, on rêve de ceci ou cela. Voilà. Et au fond, c'est ceci ou cela qui va déterminer, c'est à ce niveau-là que vont émerger les signifiants. Du coup, faut-il prendre le temps du récit du rêve? Ben, ça n'est pas sûr du tout. Alors, j'ai recueilli comme ça, dans ma bibliothèque, quelques exemples de gens qui ont raconté comment Lacan s'y prenait avec les gens qui lui racontaient des rêves. Il y a un exemple qui me paraît tout à fait frappant, c'est Pommier qui dit ça. Il dit, voilà, j'étais sur le divan de Lacan, je commence à sortir un rêve, au bout de 3 minutes, Lacan m'arrête. Je reviens la fois d'après, je raconte encore, au bout de 3 minutes, Lacan m'arrête encore, etc. Et il n'a pu finalement raconter ce qu'on appellerait au sens ordinaire son rêve qu'en 3 fois. Et il perçoit très bien que, évidemment, que Lacan ne soit pas une cloche, c'est une évidence, mais il perçoit très bien que ça a eu un effet considérable, c'est-à-dire que le fait d'être arrêté là-dedans relançait les associations sur le rêve arrêté, à certaines jointures dont on suppose qu'elles étaient pertinentes, puis ensuite l'autre bout de rêve arrivait, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au fond que ce n'est pas l'unité vécue psychologique dont nous parlons en disant « la nuit dernière j'ai fait un rêve » qui est l'objet de la séance. C'est ce qui peut s'en démembrer selon un certain nombre d'articulations signifiantes qui sont au fond orthogonales, voire même incommensurables avec ce qu'on apporte quand on dit « la nuit dernière, j'ai fait un rêve » et qui a justement une unité, entre guillemets, psychologique pour nous. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, ce qu'on gagne dans l'approche de Lacan, c'est que, évidemment, on va chercher les signifiants dans leur covariation, à la fois dans le registre du rêve et, par exemple, dans le registre du symptôme, dans le registre d'autres associations, dans le registre des mots d'esprit. C'est-à-dire que c'est la covariation de ces clusters, de ces constellations signifiantes qui donne la juste découpe de ce qui est psychanalytiquement pertinent dans un rêve. C'est pas l'expérience d'avoir apporté, comme ces patients insupportables qui arrivent, qui ont toujours un rêve à raconter au début de la séance, c'est ça, et qui et dont au bout d'un certain nombre de séances, vous apercevez qu'il n'y a rien à faire. C'est une compacité moïque totale, parce que l'unité psychologique qu'il vous apporte est une unité qu'il présente comme indécoupable, comme leur moi. C'est vraiment, et on ne peut pas les arrêter. On a l'impression qu'on est mutile quand on les arrête, et chaque séance que Dieu fait, on a droit à un rêve pour commencer. Et effectivement, Lacan était extrêmement sensible. Lacan était extrêmement sensible au fait qu'on ne peut pas accepter le rêve sur ce mode-là. Ça, il y a quelque chose là qui fait bouchon dans. Alors, c'est très fragile parce que c'est à la fois, si vous voulez, on voit très bien ce qu'on gagne à prendre les choses de cette manière-là, mais on voit aussi très très bien que si vous coupez ce qui se passe dans le fait que quelqu'un, par exemple, dans une séance, reprend son rêve en continuant à rêver, étend le rêve, produit de nouvelles associations. Freud est formel là-dessus. Les associations qui sont faites dans la séance sur le rêve ont psychanalytiquement autant de valeur que celles qui sont faites dans le rêve. C'est même pour ça, d'ailleurs, que même quand quelqu'un dit « j'ai oublié mon rêve », vous pouvez être sûr que les associations qu'il a faites au sujet de l'oubli du rêve ont autant de pertinence psychanalytiquement dans le plan de relation où on se situe que celles qui animaient peut-être le rêve qu'il a oublié. Et que donc, on est très embêté, parce qu'on voit bien jusqu'où on peut aller, comme dans l'exemple que donne Pommier de son rêve interprété en trois fois, tronçonné en trois fois et réarticulé à des lieux qui n'ont plus aucun rapport avec l'unité psychologique du rêve. Et en même temps, il y a des tas d'autres situations où le même Lacan, sans aucun doute, n'aurait rien dit. Parce que, par exemple, la capacité recouvrée chez quelqu'un de rêver aurait fait qu'on aurait plutôt laissé la personne raconter entièrement un rêve, surtout quand, par exemple, c'est quelqu'un qui, par exemple, a une psychose, ou qui annonce une psychose, ou qui est, par exemple, c'est le premier rêve non traumatique de quelqu'un qui a été traumatisé, des choses de ce genre. C'est qu'on est, il me semble aussi de bon sens qu'on ne peut pas entièrement traiter le processus psychologique du rêver comme étant de l'ordre du bouchon du moi qu'il faut désosser dans ses articulations signifiantes. Alors, c'est ça sur quoi je vais revenir, en dehors du fait qu'il faut complètement charcuter déjà le texte freudien pour réussir à faire coïncider ce que Safon appelle l'inconscient et son scribe avec le texte freudien. Il faut vraiment fabriquer une toute autre théorie du rêve. Le rêve est désossé de cette propriété essentielle. Alors chez Bion lui-même, c'est extrêmement fragile aussi, parce que c'est traversé par toute une série de paradoxes qui sont, je crois, rarement articulés. Parce que, par exemple, je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir rêver, c'est autre chose pour Bion, c'est même exactement le contraire, d'avoir des hallucinations visuelles en dormant. Ça, c'est justement ce que n'est pas rêver. Et comme Bion lui-même avait une expérience de ce que c'était qu'être un traumatisé de guerre, il a une expérience intime, comme tous ces gens, il sait très très bien ce que c'est que la différence entre halluciner visuellement la nuit et rêver. Bon. La capacité à rêver comme processus est, dans toute une partie des textes de Bion, un signe indiscutable de santé psychique. Au point qu'il va dire qu'il y a une caractéristique pathognomonique du psychotique, c'est que le psychotique ne rêve pas. La seule chose que peut faire un psychotique, c'est d'halluciner visuellement en dormant. Et même d'ailleurs, on peut se demander s'il dort, dans la mesure. Oui, ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait profond, ça, hein, de savoir est-ce que quelqu'un qui ne rêve pas dort ? Est-ce que quelqu'un qui a des hallucinations visuelles pendant qu'il a les yeux fermés et qu'il est dans son lit, etc., est-ce que c'est du sommeil ? Alors, il en est même tellement persuadé qu'il fait de la tâche psychothérapeutique du psychanalyste, une de ses tâches consiste à travailler à ce qu'un patient recouvre la capacité à rêver et à dormir. Alors, cette idée du rêve comme processus salvateur, comme processus de réparation fondamentale, amène à dialectiquement à quelque chose de tout à fait fort. C'est qu'en même temps, donc, avec quoi est aux prises un rêve ? Un rêve est aux prises avec les parties de lui-même qui ne sont pas des rêves, mais qui sont encore des hallucinations visuelles dans le sommeil, visuelles, sonores, tactiles, somatiques, etc. Et qui sont, au fond, parce qu'elles ne sont pas rêvées en un sens qui est en train de changer, excrétées visuellement dans la tête, sous forme de ces images intenses, un peu. Et notamment sous forme de ces images comme le jaune, je crois, c'est le jaune des pissenlits dans un des rêves célèbres de la première. Ces phénomènes dans le rêve où nous sommes extrêmement frappés par le bleu d'un maillot de bain, le jaune d'une fleur, le côté strident de tel et tel bruit, etc., qui sont effectivement des éléments d'hypercondensation dans lesquels les choses affectivement très chargées se sont nouées jusqu'à produire une sensation très pure et qui ont une qualité qui est essentiellement hallucinatoire. Et il va, à d'autres moments, Bion jusqu'à dire que même le fait de raconter son rêve à un psychanalyste, ce qu'on raconte du rêve à un psychanalyste, c'est ce qu'on expulse de ce que l'appareil psychique ne peut pas traiter. Et qu'il y a une dimension d'identification projective défensive dans le fait de communiquer un contenu onirique, exactement lorsque on communique le contenu d'une hallucination ou d'un symptôme. On se décharge par le récit du rêve de ce qu'on n'a pas réussi à rêver, en un sens qui devient plus mystérieux et plus profond, mais qui serait au fond la digestion du réel, des phénomènes de ce qu'on a dans le corps ou dans la réalité. Un des trucs, vous verrez, qui est tout à fait frappant, c'est que chez Freud dimensionne, il y a toujours des restes durs. Hein. Le rêve est fait, on prend des restes durs, en général de la veille, et puis là-dessus, on brode. Ce qui est, et il fait observer que les restes durs, souvent, c'est la veille ou de l'avant-veille. On trouve toujours cette dimension du reste dur. Ce que fait justement Bion, c'est qu'il inverse la chose. Il inverse en disant, c'est pas du tout le reste dur qui est comme ça une trace, c'est que c'est ce qui s'est passé dans la réalité, c'est ce qui est agressif, attaquant, mordant pour la surface de l'appareil psychique, qui n'est pas du tout comme ça un appui ou un résidu un contingent et circonstanciel, mais qui est ce avec quoi le rêve a à faire. Le rêve est un moyen de supporter les aspérités du réel. Et il donne, si vous voulez, la fonction d'élément bêta à ce qui fait Freud sont les restes durs. Et ce qui est simplement indiqué en passant comme un prétexte circonstanciel à raconter l'histoire du rêve devient la preuve que le rêve est absolument indispensable à supporter psychiquement l'existence dans le réel. Et ça, c'est sûrement, je crois, une des grandes différences entre l'interprétation des rêves aujourd'hui et puis ce qu'elle pouvait être il y a très longtemps. C'est que lorsqu'on interroge quelqu'un sur les restes d'urne, Je pense que tout analyste aujourd'hui se rend bien compte que le reste d'urne, c'est pas une circonstance déclenchante. Le reste d'urne, c'est quelque chose qui enveloppe une dimension d'effraction traumatique. Et c'est pour ça, c'est autour de ça que le rêve s'est construit. Sauf que le reste d'urne, on ne va pas le traiter comme un traumatisme bruyant, visible, etc. C'est déjà bien joli qu'il ne soit que comme quelque chose dont on se souvient. Bien souvent, les patients ne se souviennent pas des restes d'urne dont on disait qu'il faut aller les chercher de ce côté-là. Et donc, il n'y a pas simplement, vous voyez, la défense contre d'émotions de souhait interne. Il y a la tentative de constituer une membrane psychique, un écran, hein, avec un processus, une fonction alpha, hein, comme dit, qui alphabétise, c'est selon le mot employé par les commentateurs, ces éléments bêta qui viennent percuter la surface extérieure du psychisme. Et donc, idéalement, on ne devrait pas rêver. On ne devrait pas rêver, idéalement. Quand quelqu'un vient raconter son rêve, il faut vraiment entendre ça comme une éjection de... Alors, vous voyez, ces premières contradictions, on part de l'idée que si vous ne rêvez pas, vous êtes complètement malade, à l'idée que quand vous racontez votre rêve, vous êtes aussi complètement malade, mais que ce croisement est un premier paradoxe, une première tension extrêmement forte. Il y en a une deuxième, c'est que on se gargarise, je ne sais pas si vous avez remarqué, de l'idée de rêverie chez Bion, les Bioniens, etc. Alors, il faut que l'analyste soit dans un état de rêverie, c'est idéalement. Bon, c'est vrai, hein, c'est contesté. Sauf que la rêverie de Bion est exactement l'inverse du rêve freudien. Puisque le rêve freudien, il est chargé d'affects, de réminiscences, etc. Tandis que l'état de rêverie, c'est au contraire celui dans lequel on n'a ni désir, ni mémoire. C'est tout le contraire, en quelque sorte, de la densification intense, de l'expression de ce bouillonnement pulsionnel qui passe comme ça, qui est filtré par le travail du rêve, la censure, dans le rêve manifeste. C'est exactement la rêverie. C'est assez étrangement un état où on est en relation avec O, donc le fameux O dont on parlera, qui est une relation d'ailleurs intuitive. La rêverie, c'est l'état dans lequel on a des intuitions, on a l'intuition. Et cette rêverie, c'est l'état d'être sans mémoire ni désir. Et là, je crois que ce qui est extrêmement curieux, c'est que ça s'adosse à une position qui est systématiquement contraire à la pratique clinique de Bion et des Bioniens, qui consiste à vivre la séance comme un rêve. Vivre la séance comme un rêve, c'est-à-dire là, quand le s'arranger pour que, enfin, je le demande, hein, s'arranger pour que les récits qui sont faits, même si ça s'est passé dans la réalité, comme si ça s'était passé dans un rêve. Voilà. De manière, de façon absolument triviale, hein, à libérer des attaches référentielles, les termes, les mots, les expressions qui sont employées par les gens qui parlent. De le libérer des attaches, enfin, c'est en quelque sorte, je parle de phénoménologie comme ça, c'est comme une sorte de mise entre parenthèses des référents émotionnels, de ce qui s'est passé dans la réalité, de maman qui a gueulé, du gosse qui ne veut pas bouffer, de Dieu sait quoi, et de façon à ce que les cris, de façon à ce que les expressions puissent justement fonctionner en tant qu'expression d'eux et qu'on entre dans cet élément du signifiant, de l'affect, détaché de ce qui le leste, le corrige et le rattache souvent et en réduit le jeu de battement parce qu'on est engagé dans des pratiques, dans une vie sociale, etc. Et je rappelle toujours ce fondement de la clinique kleinienne, hein. Une séance kleinienne, ça commence quand le patient ouvre la porte. Quand le patient ouvre la porte et vous jette son premier regard, ce qu'il voit, c'est les parents combinés. Si vous, un analyste qui ouvre la porte de son cabinet et qui ne sait pas qu'il est le contenant des parents combinés, il ne fait pas son travail. Parce que finalement, à quoi les gens parlent pour dissocier les parents combinés ? Fondamentalement, c'est pour ça qu'ils parlent. Mais c'est pas simplement quand vous ouvrez la porte, c'est que quand vous la fermez, vous coupez les liens entre l'esprit et le corps. Ça, c'est une chose, je crois, qui est absolument essentielle. Si on ouvre la porte, c'est sur la scène primitive qu'elle s'ouvre, on ferme la porte, on déconnecte, comme dans le sommeil, où on peut, où la pensée, les affects, les sont, peuvent, comme raconte Freud, aller de leur côté, parce que la motricité est inhibée. La motricité est inhibée. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand on ferme la porte, on inhibe. La motricité, quelque chose de la motricité est inhibée. Et donc, ça peut rêver. C'est comme si on avait mis le patient en sommeil. Et donc, il est délivré des exigences pratiques de sa vie psychique, du corps, de sa motricité, etc. Et ça, c'est, vous voyez, si on le pense comme ça, on n'a pas besoin de se dire que les patients, il faut leur dire « Ah non, mais il ne faut pas mettre en acte les choses dont vous parlez, etc. » Si on fait ça, c'est qu'on est en train de psychologiser quelque chose qui est tout à fait autre chose, qui est la constitution même du cadre, dans cette perspective jungienne. On ouvre, c'est la scène primitive, on ferme, c'est le rêve. C'est une déconnexion du corps et de la vie pratique. Alors, la troisième... Donc je conclue sur cette chose étrange. À la fois vivre la séance comme un rêve, et en même temps appeler rêverie, c'est-à-dire l'état auquel on est censé atteindre, appeler rêverie quelque chose qui est sans mémoire ni désir. Étant entendu que c'est seulement dans cet état-là que l'intuition peut s'exercer, qu'on peut atteindre le réel de l'angoisse du patient, le réel des transformations auxquelles on a affaire. Donc vous voyez, je signale ça parce que c'est moins connu évidemment que chez Lacan, mais la conception bionienne du rêve est une conception qui est traversée de tensions et de paradoxes qui engagent des difficultés pratiques concrètes. Et puis, la troisième chose, c'est évidemment Freud. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de solides raisons pour reprendre les choses d'un côté comme de l'autre dans Freud. Et je reviendrai là-dessus donc, à partir d'un bouquin que j'ai écrit maintenant il y a bien longtemps, qui était un commentaire de la Traumdeutung, parce que je suis très frappé dans le fait que dans les textes qu'on lit aujourd'hui sur la Traumdeutung, une fois de plus, et je me demande même si c'est pas de l'ordre d'une sorte de résistance qui mériterait d'être ça, la question de la soutenabilité de l'argument de Freud sur le rêve n'est jamais posée. C'est-à-dire simplement, est-ce que c'est simplement en cohérence qu'il raconte Freud sur le rêve? C'est-à-dire que comme à l'intérieur du champ psychanalytique, c'est posé axiomatiquement, c'est interprété comme découpant un champ à l'intérieur duquel la psychanalyse commence, mais la nature même de savoir si on peut penser ou pas le rêve comme il le pense, et si c'est soutenable conceptuellement, n'est jamais abordée. Alors, j'avais à l'époque sous-titré ce truc une philosophie de l'esprit inconscient, parce que la philosophie de l'esprit commence à être à la mode et qu'il fallait quand même en vendre. Et donc, c'était le contrat. Je pense que je ne change rien du tout à l'interprétation que j'avais donnée à l'époque du livre. En le lisant, vous verrez, donc c'était un commentaire à l'allemand, de paragraphe par paragraphe. Une discussion, comme on ne faisait pas du tout à l'époque en France, dans les années 90, de discuter, d'expliquer un texte paragraphe par paragraphe dans son entièreté. C'était le propos de cette collection-là. Et l'argument que je défends, qui est un argument de philosophie de l'esprit, c'est que il y a, chez Freud, on ne peut penser la théorie du rêve que comme une certaine manière de faire une philosophie de l'action. Parce que ce n'est pas du tout les effets du verbe sur le sujet qui sont en jeu ici, c'est la question de l'action. On dit toujours, n'est-ce pas, le rêve chez Freud, c'est le gardien du sommeil. Mais ça, c'est sa fonction psychologique, sa nature intime, c'est d'être un espace dans lequel les intentions d'agir, les intentions désirantes du sujet, se manifestent sans l'action dont ces intentions désirantes sont les intentions, sans l'action, parce qu'il y a inhibition motrice. C'est en quelque sorte une manifestation des intentions au sens, non pas cognitif, mais conatif, des efforts du sujet ou de l'agent, qui s'actualise, mais en tant qu'intention dans le rêve, et justement pas en tant qu'action, puisque le débouché vers la motricité est coupé par l'état de sommeil. Et c'est par là qu'effectivement il y a les gardiens du sommeil, ils permettent une sorte de chose de se manifester. Et alors, ce que j'ai, la thèse que je soutiens, c'est qu'au fond, c'est un texte sur l'esprit, et sur l'esprit incarné, l'esprit sensible. C'est un texte comme les grands textes philosophiques de la tradition, de Locke, etc., hein, qui est une sorte de décomposition spectrale de l'expressivité du désir tel qu'il se déclare en nous, à l'état pur. Et il se déclare en nous, ce désir, quand justement il ne s'actualise pas de façon motrice dans des actions qui réalisent le désir, mais quand justement il n'y a pas d'action. Et qu'on garde cette dimension purement de l'intention désirante et de ses différents montages. Alors, je reviendrai là-dessus, je reviendrai sur cette lecture que j'ai faite, qui, je pense, respecte très bien le texte. Déjà, à l'époque, on pouvait s'apercevoir que la traduction du texte allemand était catastrophique, hein, parce que moi, je ne lis pas l'allemand, mais j'ai quand même lu en allemand le texte phrase à phrase, et c'était sidérant. Il manque dans la version qui était publiée au PUF, il manque des phrases, il y a des négations qui sont enlevées, enfin, il y a des phrases, c'était vraiment pas du tout une traduction qui était du niveau de ce qu'on pouvait attendre. Alors, ça a complètement changé avec les deux nouvelles traductions. Ce sera intéressant de voir s'il y a des modifications. Alors, pourquoi ça pose cette trame de Tung, sur quoi je termine, pose des difficultés? C'est que il y a un problème avec la traduction de la trame de Tung qui est un problème profondément psychanalytique. Andreas Mayer et son amie qui est décédée, Lydia Murmarinelli, avait publié un texte c'est d'ailleurs Jean-Pierre Lefebvre qui a tout fait pour que le livre d'Andrea soit publié, sur l'histoire de la réception et de la diffusion de la trame de Hutton. Et Andreas Mayer et Lydia Marinelli ont bien mis en évidence que quand vous traduisez ce texte, vous vous trouvez confronté à une difficulté majeure. C'est que les rêves sont intraduisibles, puisque leur substance même signifiante, les jeux de mots, etc. Mais comment voulez-vous faire que la psychanalyse soit une science s'il n'y a pas un sujet psychanalytique universel? Autrement dit, l'activité de traduction était constamment l'activité de produire ce sujet universel de la psychanalyse, qu'il soit français ou qu'il soit hongrois, qu'il soit allemand, anglais, américain, etc., tout en se heurtant au problème de restituer ce qui est vraiment vivant dans ce sujet universel de la psychanalyse, qui est ce qui se passe uniquement quand un Hongrois fait tel lapsus ou quand un Américain, il y a telle et telle sonorité qui fait écho à tel ou tel endroit de son rêve. Voyez. Et donc la question s'est posée de savoir jusqu'à quel point on pouvait faire des traductions poétiques, inventer des nouveaux rêves. Mais si chacun inventait des nouveaux rêves, adieu le rêve de constituer une communauté de psychanalystes. Parce que la communauté des psychanalystes, elle suppose, si elle est internationale, elle suppose que partout, les gens traitent la même chose, les mêmes gens, les mêmes objets. Et donc, il raconte extrêmement bien comment la traduction de la trame de Hutung est devenue un enjeu de puissance, de force, de rapport de force tout de suite, de constitution de hiérarchie pour la fabrication de ce truc-là, et que les versions entre guillemets plus poétiques ont toujours été marginalisées par rapport à un retour au texte qui préférait mettre des notes en bas de page pour expliquer la traduction de l'allemand. Et donc là, le problème du sujet universel de la psychanalyse, qui serait à la fois totalement intralinguistique et totalement translinguistique, se pose de manière extrêmement forte avec la question de la traduction du symbolisme du rêve. Une des seules solutions qui semble apparaître du coup, c'est de dire que ce qui est universel, c'est le rêver, c'est le processus du rêve. Ce serait effectivement de dire que on ne va pas rentrer dans ces considérations de traduction des rêves, parce qu'au fond, ce n'est pas la traduction des codes qui compte, c'est l'homogénéité supposée de ce que c'est que le processus de rêver, selon les langues, selon les pays où vous êtes. Mais alors, et c'est ça où je crois que ça devient un peu vertigineux, c'est que ça, ce n'est pas une explication qui est très satisfaisante sur le plan de l'anthropologie historique. C'est que il y a d'excellentes raisons de penser que rêver en 1900, ce n'est pas comme rêver en 1950. D'excellentes raisons. C'est Jacqueline Carroix. Alors, j'ai fait une note qui est sur ma page, je crois d'ailleurs, sur un de ses livres, son dernier livre sur le rêve, qui s'est intéressée à la réception des théories freudiennes du rêve par les autres qui font des théories du rêve tout le temps, c'est les Français, c'est les psychologues français à la même époque, et qui sont très très nombreux à voir, à recueillir leurs rêves. Il ne faut surtout pas s'imaginer que la trempe de Houtou, c'est un aérolithe comme ça, unique, c'est ça. Tout le monde écrivait des rêves, n'est-ce pas ? Pour la fête de Noël, connaissez, je crois, l'histoire. Le frère de, je vois rire, le frère de Freud fabrique une fausse trempe de Houtou, qui est un jeu de salon, dans lequel il invente une autre théorie du rêve, et tout le monde écrivait sur ses rêves en cherchant la signification. Donc il faut vraiment resituer ce que c'est qu'un livre comme l'interprétation du rêve dans une activité sociale tout à fait répandue à l'époque, en France, alors je ne sais pas en Angleterre, sur la question aux États-Unis, mais en France et en Allemagne, c'est très présent. Et donc Jacqueline Carroix fait observer ceci, c'est qu'on s'imagine que les Français rêvent de camembert et puis les Allemands rêvent de choucroute, mais qu'au fond c'est le même rêve, mais pas du tout, parce que le rêve a quand même une particularité saisissante, c'est que la façon dont on le théorise le change. C'est que selon la façon dont vous vous représentez ce que c'est que le rêve, tous les grands observateurs du rêve, tous ceux qui ont passé leur nuit à se réveiller pour prendre en note leur rêve, à réfléchir sur le rêve, l'ont observé. Les rêves se font merveilleusement le reflet de nos attentes psychologiques à leur égard. C'est-à-dire que le rêve, ce n'est pas du tout un processus que vous pourriez, comme ça, stabiliser en disant « L'effet que ça fait un rêveur à Vienne en 1900 de rêver, c'est le même que ça nous fait à nous aujourd'hui de rêver. » ça vous permet par exemple de prendre en compte un événement majeur qui est dans l'histoire de la psychopathologie, l'arrivée du rêve traumatique dont Bion lui-même a été victime, c'est-à-dire de ces rêves qui s'imposent les yeux ouverts, quoi. On peut appeler ça un rêve les yeux ouverts. Et y a des phénomènes historiques méconnus, mais qui sont très très impressionnants. C'est que par exemple, quand vous regardez les gens qui ont été traumatisés, un des signes cliniques de l'état du stress post-traumatique, c'est ce qu'on appelle les flashs mnésiques. C'est-à-dire que les gens se baladent dans la rue, sont en train de faire leur coup, c'est paf ! Tout d'un coup, ils se retrouvent dans la jungle avec les bombes qui explosent et leurs copains qui se font tuer. Le flash mnésique. C'est pathognomonique, tous les anciens du Vietnam racontent ça, etc. Pas un seul soldat survivant de la guerre de 14 ne fait état de flash mnésique. C'est un symptôme qui n'existe pas. Ils font des rêves éveillés, ils font des insomnies, ils se réveillent en sueur, etc. Mais le flash mnésique qui vous prend dans la rue, n'importe quoi, là, ça n'existe pas. Point quand des gens ont soulevé l'hypothèse, c'est quel est l'événement qu'il y a entre les deux guerres qui modifie le statut du rapport à l'image mentale, c'est le cinéma. Donc on a essayé de dire que c'est parce que certaines formes de cinéma, certains effets cinématographiques s'étaient diffusés d'une manière telle que nous considérions comme des images mentales des choses qui pouvaient pas avant cristalliser sous la forme de l'image mentale. Moi, je m'étais trop convaincu de ce truc. Mais il faut sûrement plus d'un facteur pour ces choses-là. Mais le fait est que ces états onirhoïdes, il n'est simplement pas vrai, ils sont anhistoriques, ou que vous pouvez vous pencher sur le rêve d'un bouddhiste au Japon, ou d'un ascète indien, ou d'un indien des plaines, puisque le truc est à la mode, en disant, voilà, les états mentaux sont les mêmes. Alors ça, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et du coup, lorsque ce que je suis en train, ce qu'on va faire cette année, une des choses moi, qui me fait toujours... chaque fois que j'ai parlé du rêve, moi, j'ai prouvé pour moi-même que, par exemple, quand on écrit un bouquin sur la trame de Tung, que vous passez... C'est un an à lire la trame de tout, surtout quand vous lisez pas l'allemand, et puis que vous rêvez, prenez vos notes, etc. À la fin, vous rêvez pas pareil. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est engagé dans la théorie du rêve, qui est une expérience d'altération de son appareil psychique. Et je dirais qu'au fond, la preuve pratique qu'il y a quelque chose de l'ordre du psychisme en psychanalyse, c'est que très certainement, il y a des patients qui vous font rêver et qui vous apprennent à rêver autrement, ça d'une certaine manière, ça c'est sûr, mais que la théorie, la réflexion sur le rêve, l'interrogation sur le statut de telle et telle image, sensation, etc., finit par vous faire jouer vos rouages mentaux en sorte que le fonctionnement psychique en est altéré. Et c'est pourquoi... C'est une chose que j'aime bien dire, ce qui fait la différence entre ce qu'on fait en psychanalyse et puis un séminaire théorique de psychanalyse et un séminaire de philosophie, par exemple, c'est que la théorie psychanalytique, et j'espère ce qu'on fera cette année de Saint-Sept-Ordre, c'est vraiment une production de culture. C'est pas une production de la culture comme un discours, c'est une production de culture. C'est-à-dire que ce qui est engagé dans un discours sur le rêve, c'est une tentative de faire jouer autrement un certain nombre de rouages qu'on va appeler comme ça d'imaginaire, du symbolique, du réel, hein, mais qu'on peut appeler encore d'autres manières. C'est la production de culture, pas simplement de la culture. Et là, bon, je pense qu'avec Bion, on est au cœur de la chose. C'est pas que Bion se contente simplement d'étendre conceptuellement la portée des concepts de Freud, c'est que il développe la puissance de la machine psychanalytique à penser les pensées. Et ça, c'est du réel. C'est une autre manière de penser qui passe notamment par la théorisation, qui passe par une autre façon d'écouter les rêves des gens, d'écouter ses propres rêves, de leur donner une fonction particulière dans la vie, et qui est probablement puissamment marquée par l'histoire. Je ne crois pas... C'est impossible de lire Bion si vous oubliez que c'est un traumatisé de guerre, et que Bion, c'est quand même un type qui se réveille en disant que voilà, il avait dans le choc de cette bataille, là, quand il a 17 ou 18 ans, là, il a le sentiment que, non pas que son esprit est parti. C'est quelque part un trou, là. Il y avait quelque chose qui était... Alors j'aimerais bien cette année vous proposer un truc que je propose chaque année, mais sans succès, c'est de vous proposer de faire quelque chose où vous interviendriez. Et on discuterait un peu des choses. Alors, Sébastien Smirou m'a dit qu'il viendrait parler à partir notamment de la traduction qu'il a faite de Rêverie de Féraud, ce petit livre étrange de poèmes en prose bizarre, psychanalytique, n'est-ce pas, que Féraud a publié, qui est publié donc sous le titre de Rêverie, mais il développera d'autres choses, notamment, je pense, avec son travail avec les enfants. Mais il y a trois choses que moi j'aimerais bien que vous examiniez comme possibilité. Je suis venu avec ces trois choses. Alors, il y a dans le livre de Grotstein, A Beam of Intense Darkness, que certains d'entre vous ont traduit, il y a deux chapitres à la fin sur dreaming, fantasy, dreaming. Et il me semble que ce serait intéressant, un moment ou un autre, peut-être pas tout de suite, hein, on va rentrer un peu dans... Mais que quelqu'un se propose de raconter comment Grotstein, à la fin du livre, parle enfin de ce qui est normalement ce qu'il devrait y avoir au début, la théorie du rêve. Bon. Et pourquoi, pour faire comprendre ce qu'il y a dans la théorie du rêve de Bion, il est obligé d'attendre autant de préparatifs, c'est dans les 100 dernières pages des textes, et c'est d'ailleurs assez dense. Il y a une autre chose que j'aimerais proposer, alors là qui est plus simple, qu'on peut faire plus vite. Je suis venu avec, alors moi je l'ai en anglais, mais je sais qu'il a été, j'ai appris qu'il a été traduit, on m'a dit ça aujourd'hui, en français, dans le truc qui est publié régulièrement, ils choisissent les meilleurs essais de l'International Journal of Psychoanalysis et ils sont traduits dans toutes les langues européennes, dans un cahier à part. Je crois que ça s'appelle l'annuel de l'IJP. C'est un article assez important de John Schneider qui s'appelle « From Freud's Dream Work to Bion's Work of Dreaming, The Changing Conception of Dreaming in Psychoanalytic Theory ». C'est un texte sur du travail du rêve au travail du rêvé, « Work of Dreaming », qui est un article que je fais passer, si vous voulez regarder un peu à quoi ça ressemble. Alors, il existe en français, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Et puis, moi j'aimerais bien aussi que quelqu'un se fende de faire un petit exposé, une présentation du travail de Mustapha Safouan sur l'inconscient et son scribe. Voilà. Qui est c'est vraiment des bons livres, hein. Safouan c'est un esprit clair, et on suit très bien les choses. Voilà. Donc, si vous ne le faites pas, je m'y collerai, mais j'aimerais bien que. Éventuellement, voilà, on en profite pour discuter de ces choses-là, que je sois plus tout à fait le seul à causer de ça, et puis qu'on réfléchisse à ce que les gens apportent dans ces différents ouvrages. Voilà le programme. Des questions, J'avais juste une question pour rapport au rêve Oh, il y a des rêves sur, il y a des trucs sur tout, donc il y a bien des choses là-dessus, mais je connais pas. Il y a un autre objet, il y a des objets vraiment très très beaux. Il y a je ne me rappelle pas du titre de ce livre. C'est un recueil de rêves faits par des Allemands. Rêver sous le troisième âge. Je ne sais pas si on peut vraiment faire quelque chose. C'est impressionnant en soi. Bon. Y a une autre piste que j'aborderai peut-être, que je vous dis comme ça, c'est de l'association libre. C'est le rapport du rêve au groupe. Parce que, selon la fameuse formule dans yeux, n'est-ce pas, entrer dans un groupe, c'est comme entrer dans un rêve. Et ça, le principe de l'usage du groupe, c'est un principe bionien, puisqu'en yeux a trouvé ça chez Bion. Je ne sais pas si ça peut présenter un intérêt. Et puis il y a tout ce qui est de la doctrine du rêve ou des théories du rêve qui sont explicitement, qui sont pensées comme non psychanalytiques. Il y a des gens qui ont travaillé sur le rêve, mais totalement non psychanalytiques, absolument. Et donc c'est intéressant aussi de voir ces choses. Alors, je ne voudrais pas non plus que ça se transforme en une espèce de relativisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la façon dont ça peut être rapporté à la haute difficulté qu'on a avec les rêves des patients, nos rêves sur les rêves des patients, etc. Mais ce qui... bien fait, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on puisse discuter de cette anthropologie du rêve. Oui, il faut que ce soit bien fait. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, qu'on se demande pourquoi on est... Les gens qui, en général, parlent du rêve dans les autres cultures oublient à quel point c'est un discours négatif. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus l'expression d'une incompréhensibilité que l'expression de quelque chose qu'on comprend et qui est différent de ce que nous vivons. Je suis très sceptique sur le fait qu'on puisse... comprendre le rêve d'un aborigène ou savoir ce que c'est qu'un rêve. Alors on peut évidemment dire, ah oui, mais alors ils vivent dans un monde de rêves. Et dès qu'on emploie tous ces mots-là, immédiatement, en réalité, on ne fait qu'exprimer le fonctionnement limite de nos propres mots, beaucoup plus que la façon dont les autres vivent dans le monde dans lequel ils sont. C'était un peu la force de Lacan, ça. précisément, ouais. de rapporter à des figures de style la métaphore, la métonymie, transculturelle, l'activité onirique, enfin, je veux dire, le fonctionnement du rêve. Oui, mais quand même, moi j'ai une vision plus Wittgensteinienne, et je pense vraiment qu'il y a des formes de vie qui sont beaucoup plus impénétrables qu'on croit, qu'il y a beaucoup de discours qu'on tient sur un mode positif, qui quand on gratte un peu, ne sont que l'expression des limites des mots qu'on peut employer nous, de là où on est. Et on croit qu'on dit des choses sur les autres, alors que simplement on... D'accord. Mais Freud lui-même a remarqué, Bernard Foucault et tous ces gens, que... les transferts lui-même, il induisait des rêves. Alors ça, oui, on va pouvoir effectivement parler de ces choses-là. Les historiens, par exemple, sont très frappés du fait que le rêve de transfert, c'est quand même une manifestation incroyable. Il y a quand même un rêve qui n'existait pas avant la psychanalyse, c'est le rêve qui est rêvé pour démentir la théorie freudienne. Et comme je l'ai fait remarquer une fois, il y a un truc sur lequel Freud est beaucoup moins prolixe, c'est le rêve qui est rêvé pour la conforter. Mais qui relève de la même constellation. C'est-à-dire qu'à un moment, on est exposé à ce que Jung appelle « becoming », c'est-à-dire un devenir tel que c'est sans appui. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à entrer dans ce machin-là, il n'y a plus d'appui. C'est que le rêve fait pour conforter la théorie freudienne... c'est celui qui la conforte le moins. C'est ça qui devient complètement vertigineux. C'est-à-dire que l'appui empirique devient s'évanouit, fermé, parce qu'on est entré dans un mécanisme où le fait de parler du rêve, ça, transforme ce qu'est le rêvé lui-même. Et c'est pas juste les contenus, c'est même la forme. Oui, mais enfin, c'est peut-être trop philosophique, on n'a pas le temps, mais... Les risques, c'est tout de même une défense d'un sujet qui est très imaginaire, qui est très substantialisé, qui même la philosophie a refusé. Mais... Oui, non, mais ça, on verra si c'est... Mais enfin, je crois que c'est ça qui est au fond le... qui est chez Bion, je crois, extrêmement bien pensé. Il y a vraiment chez Bion une manière de répondre à cette question de la réalité du fonctionnement de l'appareil psychique et de son changement. C'est ça qui... On ne peut pas en parler sans en changer le mode de fonctionnement. Mais les flashs amnésiques, alors, j'ai pas suivi tout ça. Vous les voyez apparaître à partir de... Les historiens de la psychiatrie, les gens qui parlent... C'est pour une raison très, très simple, en fait, la personne qui m'a expliqué ça, c'est un grand historien... psychiatrie, mais qui surtout a une tâche très impressionnante, c'est de savoir, vous savez, le Ulster Constabulary Force, qui était la police d'Irlande du Nord, au service des Anglais, qui était chargée de réprimer, avec une violence que je vous laisse imaginer, les l'IRA, c'est qui fournissait les gardiens de prison, les troupes de choc pour lutter contre les manifestations, les grandes enquêtes antiterroristes, etc. Ces gens torturés, etc., autant à Tir-Lambigaud. Après la fin, ils ont demandé à être indemnisés parce qu'ils avaient tellement torturé des catholiques qu'ils ne pouvaient plus dormir la nuit. Ils étaient traumatisés. Oui, ça, je sais que c'est un des grands changements du traumatisme. C'est que le traumatisme, autrefois, c'était la victime. Et maintenant, c'est le bourreau. Le modèle du traumatisé, c'est Sylvester Stallone, n'est-ce pas, hein, qui a passé à la mitraillette, etc. Mais il a les symptômes du stress post-traumatique, c'est les gens qui ont bombardé, qui ont tué, égorgé, etc. Et qui se réveillent la nuit, ils sont toujours en train d'égorger, de torturer, etc. Et donc la grande question, c'était de savoir si on pouvait indemniser des gens qui ont un symptôme psychique, comme ça, de stress post-traumatique. Sauf qu'effectivement, c'est plutôt des bourreaux que des victimes. Hein, parce que... Et à ce moment-là, il a fallu faire l'histoire, reconstituer, donner des arguments au juge pour savoir si on... Et c'est en faisant cette histoire-là qu'il a eu un accès illimité aux archives de la médecine militaire et de la psychiatrie britannique, et qu'il a constaté un phénomène que personne n'avait vu jusqu'ici. c'est que le flash amnésique est totalement absent des récits des traumatisés de la Première Guerre mondiale. Et il n'apparaît que, semble-t-il, dans les années 30, etc. Et constamment associé à des situations de guerre. Mais ce que vous appelez le flash amnésique, c'est quoi exactement ? C'est, bah, vous vous promenez dans la, vous promenez dans la rue. Faites n'importe quoi, un geste qui apparemment n'a aucun rapport, même symbolique ou lointain, avec la situation qui vous a traumatisé. Et tout d'un coup, vous avez sous les yeux, se surimposant à la, comme un éclair. C'est pas une image qui monte, c'est pas du tout précédé par une aura anxieuse avec quelque chose qui se forme. Comme un éclair, vous êtes plongé l'espace de quelque chose qui dure un dixième de seconde pour vous, pour les gens qui vous environnent, mais qui a l'air de durer très longtemps pour vous, dans la jungle, et vous êtes bombardé, ou vous êtes en prison, et on vous torture, etc. Et puis ça s'arrête, et vous vous êtes aperçu que, et vous apercevez qu'il s'est écoulé à peine quelques secondes, même parfois une ou deux secondes, alors que vous avez l'impression d'avoir été replongé pendant un temps, comme un temps de rêve. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant, un temps dilaté traumatique. Ah, les gens se figent. Non, je vous dis ça parce que, en fait, j'ai plus du tout la référence du livre en tête, mais j'essaierai de la retrouver, mais chez les Comanches, il y avait un certain nombre c'était devenu un phénomène récurrent, comme c'était, il y avait différentes tribus, en fait, qui étaient, chez les Indiens, qui étaient plus ou moins agressives, notamment les Comanches. En fait, il y avait des choses qui sont très, très ressemblantes avec ça. Et en l'occurrence, ceux qui étaient frappés dans la journée par ce rappel qu'il est en fait, qu'il est figé pendant une fraction de seconde, ils étaient invités à aller dans le tipi de celui qui était censé interpréter les rêves. Au moment où, ça, où quelqu'un les découvrait dans cette situation, les amenait au tipi, et là, ils étaient conviés donc, à fumer. Et ça ressemble à des descriptions qu'ils ont données, c'est vraiment ça. C'est un figement moteur. Voilà, c'est-à-dire c'est comme s'ils étaient de nouveau saisis par l'instant vivant. Voilà, ça répète. Voilà. Et ça, c'est ça, je ne savais pas. Là, on est sur, dans les années 1800, à peu près. Donc c'est pour ça que je... Parce que ce qui a beaucoup frappé donc, ces enquêteurs, là, c'est dans la reconstitution de l'histoire, c'était qu'il n'y en avait pas. Voilà. Alors, ils avaient, en revanche, des choses qu'on a toujours, hein, les suées, les cauchemars nocturnes, etc. Mais le flash, non. Mais alors, est-ce que Moi, je me suis toujours demandé si c'était pas lié au fait que c'est le traumatisme... Depuis que le traumatisme est devenu quelque chose qui frappe aussi bien la victime que le bourreau, et même d'ailleurs de plus en plus le bourreau, parce qu'avec les moyens modernes, les victimes, elles ne sont plus là pour se plaindre de leur traumatisme, avec la guerre moderne, c'est quand même un fait accablant mais bien réel, hein. Donc de plus en plus, les gens qui sont soignés dans les unités pour stress post-traumatique, mais c'est pas du tout des victimes, hein. C'est pas des gens qui ont... une bombe qui a explosé à côté d'eux, c'est ceux qui ont fait exploser des bombes sur les autres. Je pense plutôt que c'est pas tellement la variété d'actes, c'est plutôt le discours. Quand les paralysés des charcots, c'est fini, enfin, on n'en trouve plus. Ça existait pendant une certaine époque, c'est fini, c'était pas faux. Ça je suis pas d'accord. Ça existe tout à fait, bien sûr, il suffit d'aller les chercher. Les déshystériques de la même manière. Oui, bien sûr, il suffit d'aller en rééducation neurologique à la salpêtrière. Moi j'ai vu des gens avec des signes du miroir inversé. Les vieux, c'est les vieux qui font des trucs comme ça, avec des hémicorps anesthésiques. Vous savez, ça fait un drôle d'effet. On dit ça n'existe plus, ces phénomènes-là. On allonge une personne sur une table avec un système de miroir par-dessus, et puis alors la personne est complètement insensible d'une moitié du corps avec une vraie ligne, quoi. Vous pouvez, avec une épingle, vous pouvez retracer la ligne. Puis on la met sous un miroir inversé, mais elle ne sait pas que le miroir est inversé, puis on pique de l'autre côté, elle fait aïe. Vous savez, ça laisse perplexe. Hein. On a cherché des explications neurologiques pour ce genre de choses. Mais ce que Charcot a vu, il l'a vu, il n'avait pas la berlue. Hein. Ça existe encore, sauf qu'on ne va pas le chercher. Il faut le chercher dans les services de rééducation neurologique, et notamment avec les vieillards. Mais Catherine Morin, pendant des années, à la Salpêtrière, elle invitait les gens, vous croyez que ça disparaît, mais venez voir ce que je vois. Des gens qui ont des parésie complètement non anatomique sur des morceaux du corps, comme ça. Alors beaucoup, effectivement, de milieux sociaux défavorisés, des gens, des étrangers, des gens soumis à des injustices majeures. C'est vraiment très impressionnant. Et, ça, et c'est toujours, on le sait toujours, on va peut-être arrêter là, parce que enfin, ce qu'on appelle le syndrome des Alsaciens, le syndrome des malgré nous. Les Allemands avaient très bien remarqué, les Alsaciens qu'on envoyait se faire massacrer sur le front russe, on leur mettait une balle quelque part, ils ne se remettaient jamais. Les soldats allemands se remettaient, eux, ils ne se remettaient jamais. Et le syndrome des malgré nous, c'était ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se battaient, ils ne voulaient pas mourir, hein, et donc ils se battaient. Mais quand ils étaient blessés, ils ne se remettaient jamais de leurs blessures. Et ça a servi d'argument, le syndrome des malgré nous, au moment où la sécurité sociale commençait à en avoir assez de rembourser les paralysies, les dos cassés des ouvriers algériens qui travaillaient en France. Ils se cassaient la gueule d'un échafaudage. Il n'y a aucun signe physiologique, mais ils ne pouvaient plus marcher. Et donc, un certain nombre de profs de neurologie ont dit, mais oui, mais on a eu ça, nous, c'est des malgré nous. Hein. Les gens qu'on a tirés, qu'on a envoyés faire des choses épouvantables à l'autre bout, etc. Ben, quand ils étaient blessés, ils ne s'en remettaient pas. Et il n'y avait pas de signe physiologique. Donc ils ont fusillé les premiers. Mais la police militaire allemande, c'était pas des tendres. Mais nous, on ne peut pas fusiller les... Et ça a été un argument invoqué pour le remboursement des ouvriers immigrés qui se cassaient la gueule et qui ne marchaient plus. Et le taux était, je crois, c'était 10% de casse définitive sur les Français, c'était 40% pour les ouvriers immigrés. C'est quand même saisissant. Donc ces phénomènes-là, si on va les chercher dans les découpages sociaux et anthropologiques qui correspondent à ce que c'est que la condition d'une ouvrière ou d'une jeune femme à Paris en 1880, hein, si on a une vision un peu paramétrée de à qui on s'adresse, on va les trouver. Hein. Les grandes contagions hystériques, c'est pas dans les couvents, c'est dans les foyers de travailleurs étrangers. Pas chez Charcot aussi. Ben, chez Charcot aussi, dans les pensionnats de jeunes filles. Riche. À l'époque de... Non, pas nécessairement riche. Les pensionnats, c'est pas un truc de riche, forcément. En 1880, aujourd'hui, c'est les nouvelles du pays dans un foyer de travailleurs maliens, hein, avec des phénomènes de contagion hystérique saisissants. Si on va chercher là où c'est. Et une hypothèse... effectivement ce que vous avez évoqué parfois, qui est une transformation du monde. C'est-à-dire que la guerre de 14-18 a transformé le monde. Ah oui, ça. Et a du coup, les gens qui ont vécu cette transformation du monde, la durée aussi du conflit et tout ça, a fait que nous, étant plongés dans autre chose, il n'y avait plus de rapport avec le fait qu'en fait, en quelque sorte, leur psyché s'est habitué à une nouvelle... Truc. Il n'y a pas cette nécessité du flash mnésique qui provient peut-être d'une rupture entre l'avant et l'après, justement. Je sais pas du tout, mais de toute façon, le problème de ces choses-là, dès que c'est un truc psychologique, il faut que ce soit... tout un ensemble de facteurs concurrents qui jouent ensemble. C'est ça le problème. C'est que si on essaie de dire c'est le cinéma, ça ne marchera jamais. Il faut qu'il y ait tout un ensemble de choses qui rendent le rapport à l'image distinct. Moi, je pense par exemple que beaucoup de gamins qu'on voit abîmés par un cannabis, leurs états... c'est difficile souvent de savoir s'ils sont en train de faire une hallucinose quand ils ont vraiment beaucoup fumé. Neurologique. Bon, apparemment il n'y a pas de signes, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas les signes. Les signes précèdent toujours ce qu'on objective à l'imagerie. Mais les hallucinoses toxiques du cannabis, ça n'est pas simplement quelque chose qu'il faut rapporter au cannabis, c'est aussi quelque chose. Qu'est-ce qui fait image pour un gamin? Qu'est-ce qui fait image mentalement? Je ne crois pas que ce soit qu'on puisse dire que c'est ce qui fait image pour moi, un adulte qui a 30 ans de plus, non, 40 ans de plus, ça dépend des gamins. Mais je crois pas, non. Il faut vraiment s'interroger sur ce que c'est que l'image hallucinatoire, l'état onirhoïde. C'est pas évident. C'est une chose que les cliniciens du 19e faisaient. Quand la SEG explique que le délire alcoolique, c'est pas un délire, c'est un rêve. C'est très important, ça. C'est un délire alcoolique, c'est pas un délire, c'est un rêve. Il a cette notion extrêmement forte qu'on ne peut pas tout traiter les phénomènes imaginaires de la même manière, ni leur cohérence psychologique interne. Nous, j'ai peur que, vous voyez, on perde le sens de ces nuances-là. Chez un musulman, par exemple, chez un jeune musulman, le statut de l'image peut au moins jouer autant dans la texture de son hallucinose cannabique que la quantité de produits qu'il a ingéré. J'en suis persuadé. Ce qui va appeler image, ce qui ne peut pas rentrer dans le cadre d'une image, ça m'avait frappé avec un jeune patient d'une famille très musulmane, mais qui n'était pas très bien débrouillé, qui avait une névrose obsessionnelle du feu de Dieu, un truc vraiment monstrueux, horrible. Il était manifestement persécuté par quelque chose que j'ai pensé être de l'ordre de l'image. J'ai passé des heures à essayer de lui faire nommer ce qu'il voyait. Il était au bord comme ça du truc, c'était très inquiétant parce qu'il était diagnostiqué schizophrène. Moi, j'étais persuadé que c'était pas une schizophrénie, c'était juste une flambée obsessionnelle chez ce jeune musulman d'une famille très très pratiquante, etc. Et à pas un moment, j'ai eu le bon sens de me dire, mais qu'est-ce qui peut faire image mentale en fait? Est-ce que, par exemple, si son père est engagé dans quelque chose, ou si c'est une relation religieuse, par exemple, Dieu, par exemple, s'il est question de Dieu, il va pas avoir un crucifix avec un phallus ou je sais pas quoi, une image obscène comme dans les portraits des religieuses obsédées de Janet. Hein. Si c'est Dieu, il va y avoir un trou, et je suis en train de... là où il devrait y avoir une image, par exemple. C'est vraisemblable, ou quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il a d'autres coordonnées que imaginaire, au sens de mon imaginaire. Et je me suis dit, mais malheureusement, c'était trop tard. Il est jamais revenu, son père l'a embarqué, ils sont allés voir des marabouts. Mais le problème, c'était que j'aurais dû penser à ça. Je suis persuadé qu'on n'a pas le droit de préjuger du statut de l'image mentale chez les autres, comme si c'était un universel disponible. Vous voyez ? Il y a ce qui échappe à l'image, il y a ce qui est interdit de représentation sous forme d'image, il y a ce qui ne vaut pas comme image parce que ça n'a peut-être pas la texture suffisante pour cristalliser sous forme d'image, etc. Combien de fois on est embêté avec les gens qui ont des mentismes visuels? Parce que les gens qui ont des mentismes visuels, il y en a, c'est clair comme vent, comme s'ils voyaient le réel à travers un vitrail, il y a toujours la même scène qui s'impose, qui est horrible, qui les torture, etc. Il y en a d'autres, ils n'arrivent pas à donner le nom d'image à l'effet visuel qui vient se balader là-dedans. Ceux-là sont très embêtants, parce que du coup on n'arrive pas à savoir si c'est dans l'espace perceptif ordinaire, et donc c'est potentiellement psychotique. Si c'est un trou dans l'espace perceptif ordinaire, c'est psychotique. Mais si l'image elle est sous ses yeux, là, s'il peut tendre les mains, c'est un mentisme visuel. C'est pas du tout uniquement la même chose. Et donc là, il y a un truc, vous voyez, de plein de paramètres auxquels on devrait être très sensible avec cette égard d'image. Enfin, on a beaucoup digressé. Voilà. La prochaine séance, en fait, ça ne peut pas être le 18 octobre, parce que je ne serai pas là. Je pense que ce sera le 24.